Juges chapitre 13. Et les enfants d'Israël recommencèrent à faire ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Or il y avait un homme de Tsora, d'une famille de ceux de Dan, dont le nom était Manoa, et sa femme était stérile, et n'avait jamais eu d'enfant. Et l'ange de l'Éternel apparut à cette femme-là, et lui dit, « Voici, tu es stérile, et tu n'as jamais eu d'enfant, mais tu concevras, et enfanteras un fils. Prends donc bien garde dès maintenant de ne point boire de vin ni de cervoise, et de ne manger aucune chose souillée. Car voici, tu vas être enceinte, et tu enfanteras un fils, et le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que l'enfant sera nazaréen de Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Et la femme vint, et parla à son mari, en disant, « Il est venu auprès de moi un homme de Dieu, dont la face est semblable à la face d'un ange de Dieu, fort vénérable, mais je ne l'ai point interrogé d'où il était, et il ne m'a point déclaré son nom. Mais il m'a dit, « Voici, tu vas être enceinte, et tu enfanteras un fils. Maintenant donc ne bois point de vin ni de cervoise, et ne mange aucune chose souillée, car cet enfant sera nazaréen de Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Et Manoa pria instamment l'Éternel, et dit, « Hélas, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé, vienne encore, je te prie, vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire à l'enfant, quand il sera né. » Et Dieu exauça la prière de Manoa. Ainsi l'ange de Dieu vint encore à la femme, comme elle était assise dans un champ, mais Manoa son mari n'était point avec elle. Et la femme courut vite le rapporter à son mari, en lui disant, « Voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, m'est apparu. » Et Manoa se leva, et suivit sa femme, et venant vers l'homme, il lui dit, « Es-tu cet homme qui a parlé à cette femme-ci ? » Et il répondit, « C'est moi. » Et Manoa dit, « Tout ce que tu as dit arrivera, mais quel ordre faudra-t-il tenir envers l'enfant, et que lui faudra-t-il faire ?» Et l'ange de l'Éternel répondit à Manoa, « La femme se gardera de toutes les choses dont je l'ai avertie. Elle ne mangera rien qui sorte de la vigne, rien en quoi il y ait du vin, et elle ne boira ni vin ni cervoise, et ne mangera aucune chose souillée. Elle prendra garde à tout ce que je lui ai commandé. » Alors Manoa dit à l'ange de l'Éternel, « Je te prie, que nous te retenions, et nous t'apprêterons un chevreau de lait. » Et l'ange de l'Éternel répondit à Manoa, quand tu me retiendrais je ne mangerai point de ton pain, mais si tu fais un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Or Manoa ne savait point que ce fut l'ange de l'Éternel. Et Manoa dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te fassions un présent, lorsque ce que tu as dit sera arrivé ?» Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi t'inquiètes-tu ainsi de mon nom, car il est admirable. » Alors Manoa prit un chevreau de lait, et un gâteau, et les offrit à l'Éternel sur le rocher. Et l'ange fit une chose merveilleuse à la vue de Manoa et de sa femme. C'est, que la flamme montant de dessus l'autel vers les cieux, l'ange de l'Éternel monta aussi avec la flamme de l'autel, ce que Manoa et sa femme ayant vu, ils se prosternèrent le visage contre terre. Et l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoa ni à sa femme. Alors Manoa connut que c'était l'ange de l'Éternel. Et Manoa dit à sa femme, « Certainement nous mourrons, parce que nous avons vu Dieu. » Mais sa femme lui répondit, « Si l'Éternel nous eût voulu faire mourir, il n'aurait pas pris de notre main l'holocauste ni le gâteau, et il ne nous aurait pas fait voir toutes ces choses, en un temps comme celui-ci, ni fait entendre les choses que nous avons entendues. Puis cette femme enfanta un fils, et elle l'appela Samson, et l'enfant devint grand, et l'Éternel le bénit. » Et l'Esprit de l'Éternel commença de le saisir à Mahanédan, entre Tsora et Estarol.